Alors, le tableau 4, ben, on a le. Alors, je regarde ce que c'est. Voilà, on a le détail maintenant des sociétés, des paiements, etc. Comme j'ai dit qu'on faisait un tiers, un tiers, un tiers. L'artiste gagne 33%, mais par contre, il vend beaucoup. Donc, fondamentalement, son chiffre d'affaires est multiplié par 3000%. En vendant à 33%. Pourquoi? Parce qu'il a une grande force de vente. Alors, donc là, on est sur un exemple de 610 tableaux, donc l'œuvre annuelle que nous fournit l'artiste. Chaque œuvre est à 3500 euros, il a un pourcentage de 33 euros, donc sur le stock, il gagne 700 500 euros. Okay? Et j'ai fait le détail, alors vous avez Art Valor et Diam Valor. Et on voit que sur l'œuvre, l'artiste a 33% et Art Valor et Diam Valor ont des pourcentages. Alors, Art Valor a 0,2% à chaque fois qu'une œuvre est vendue. Donc, une œuvre à 3500 euros, l'artiste a 1500 euros. Alors, attendez, je regarde un truc. Ouais, voilà. Et Art Valor a 0,2% pour le recrutement de l'artiste. Ça, c'est un bureau, des gens. Un ordinateur, etc. Chaque fois qu'on vend un tableau, on a 0,2%. C'est très infime, très très très infime. D'ailleurs, c'est juste, en vrai. En vrai, je vais vous dire, c'est juste. Pourquoi? Parce que sur toute une collection, sur un artiste, par an, on gagnera 4200 euros. Bah, ça fait 2 mois de salaire en comptant les charges. Donc un artiste, grosso modo, paye une secrétaire. Bon, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que vous voulez payer qu'un galeriste qui vous niait la gueule de toute façon? Autant payer toute une équipe qui est là pour qui est ouverte, avec des gens, des secrétaires, des gens au téléphone, etc., qui travaillent pour vous. Bah, chaque fois que vous vendez une œuvre, quelqu'un travaille pour vous. Alors Arc Valor, le recrutement artiste 0,2%. Créer la liste des œuvres. Bah, voilà, c'est vous amenez les œuvres, il faut les noter, etc. Ça prend du temps. Ça prend du temps et il faut bien payer les gens. Et ben, on l'inclut dans le prix pour être sûr d'avoir l'argent pour payer les gens. D'accord? Ensuite, la mise en ligne du stock, ben ça, c'est Internet. C'est des webmasters et des programmeurs qui ont fait le site. Ben, on les paye grâce à ça. Okay? Ensuite, les commentaires. Ça, c'est Art Valor encore qui gère ça. C'est-à-dire, on travaille sur la spéculation, la mise de l'œuvre. Et les artistes. Donc, il y a 2% qui vont pour les commentaires et la cotation. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 2%, ça fait sur une œuvre à 3500 euros, ça fait 7 euros. Ça veut dire que, grosso modo, on va payer des écrivains sur Internet. Il y a un site qui s'appelle Clickworker, des trucs comme ça. Les gens, ils vous disent Campanile, salade de fruits, autoroute A4, Limoges, coupon Groupon. Voilà. Ils vous disent juste ça et vous devez écrire 200 lignes, 200 mots là-dessus et vous êtes payé entre 20 cents et 2 euros. C'est super chiant, c'est pas très motivant intellectuellement et c'est payé limite. Bah nous, on va payer les internautes. C'est vraiment un format web 3. Vous voyez, le web 2, c'était faire participer, mais c'était toujours le même qui gagnait. Là, web 3, tout le monde gagne de l'argent. Donc les personnes qui commenteront vos œuvres. Alors, ça peut être l'artiste qui dit, ben lui, il a fait un bon commentaire, je le paye. Ou alors des critiques d'art spécialisés qui écriront à chaque fois une longue analyse sur l'œuvre d'art qui est fournie. Ben, ça, ce sera payé, c'est pas mal, c'est payé 7 euros. Ben, le type, il en fait 10 par jour, 10 œuvres par jour, ben, il a 70 euros. C'est un bon salaire hein, pour un écrivain. Et de plus, ça voudra dire que toutes les œuvres des artistes seront analysés par un critique d'art, et du coup, déjà, ça améliorera le référencement et la visibilité sur Internet, mais sur le très long terme, ça posera des mots sur l'œuvre, ça la référencera. Beaucoup de gens, par exemple, travaillaient sur les œuvres d'art patrimoniales et sur la spéculation, bah, tous aimaient beaucoup Pierre Restany, qui était un critique d'art et qui, lorsqu'il validait Klein ou un autre longtemps avant qu'il soit connu, assurait à leurs œuvres une intellectualisation. Donc 0,2% uniquement qui est pris. Ça, c'est, je dis à chaque fois ça parce que l'artiste dit, oh, wow. D'accord, donnez 33% au commercial, je suis d'accord. Mais moi, je suis à 33. C'est quoi tout ce que vous me prenez? Ben là, j'explique tout ce qu'on vous prend. Et à chaque fois, ça a un sens. D'accord? Ensuite, il y a 2% qui vont pour l'évolution des prix. Alors là, c'est les publicités, des coûts ponctuels, où par exemple, on vous paye une publicité dans Art Press, Beaux-Arts Magazine, ou alors on se dit, bon, ben, vous vous en foutez des magazines, vous voulez quoi? Ben, moi, je veux exposer. Bon, tu veux exposer, ben, ce qu'on va faire, c'est que toi et 10 autres artistes, tout ce qui concerne les commentaires et les cotes et l'évolution du prix à 2%, ça fait 4%, tout cet argent, on va le mettre dans la location d'une galerie d'art. Au lieu de supplier le galeriste pour qu'il nous accepte, comme on sait en plus que les galeries sont un peu dans la merde, on leur dit, bon, ben voilà, 10 artistes, ça fait déjà sur deux collections, sur 10 collections, sur une collection annuelle, ça fait déjà 4 000 euros. Donc 10 artistes, 42 000 euros. Au bout de un an, ah non, 42 000 euros fois 2. Donc au bout d'un an, on a 80 000 euros. Grâce à ces petits 2%, vous voyez, pris à chaque fois, on a 80 000 euros. Ben, 80 000 euros, grosso modo, je pense qu'on peut le louer une salle du Louvre ou du Palais de Tokyo. Bon, ben voilà, c'est réglé. Et ça, c'est de l'argent pour spéculer. Ça s'appelle commentaires et cotes, c'est-à-dire faire vivre ou assurer l'évolution des prix. Et d'ailleurs, allons plus loin encore parce qu'il y a 0,5 euros qui sont pour créer les événements d'artistes. Donc on ajoute à ces 42 000 euros, créer événements d'artistes, il faut que je mette mon doigt parce que faut que je vois où c'est. Ben voilà, ça fait 100 000 euros en plus pour 10 artistes. Pour un seul artiste, ça revient à, non, pour toute sa collection, à 18 000 euros. L'argent qu'on met de côté, l'argent qu'on lui prend, on le met de côté pour pouvoir spéculer intelligemment, etc. Alors l'artiste me dit, oh moi, vous savez, je trouve vos trucs, c'est pas mal, mais je veux le faire tout seul. Pas de problème, pas de problème. Puisque c'est son argent, puisque c'est la société qui le met, bon, pour mettre les sites en ligne, etc., ça c'est notre travail, mais s'il dit, ouf, moi, vous savez, votre spéculation, c'est moyen, ben, on lui donne une enveloppe de 18 000 euros pour qu'il travaille. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? La garantie, 5%, ça c'est beaucoup par contre, 5% sur l'œuvre, c'est la garantie de rachat sur 20 ans. Ça, je vous en parlerai plus tard, c'est tout simplement le grand chef-d'œuvre de l'histoire. D'accord? Ça, je réinvente quasiment le commerce. Pour les artistes, c'est une bénédiction sur le long terme. Pour les collectionneurs, une bénédiction sur le long terme. Et pour les commerciaux, c'est le meilleur argument de vente jamais inventé dans l'histoire du commerce. C'est pas mal, dans la mesure où déjà, éthiquement, on va sauver des commerciaux, on va sauver des artistes. C'est pas mal aussi d'inventer un... Vraiment, c'est un coup double, hein. Bon, je vous expliquerai beaucoup plus longuement qu'est-ce que c'est la garantie de rachat sur 20 ans. Grosso modo, on signe avec le client un contrat assurant que la société Artvalor rachète le tableau 4 fois le prix au bout de 20 ans. Je vous expliquerai, et c'est un contrat. C'est-à-dire que le client dit, voilà, j'ai signé le contrat avec vous, maintenant, vous devez me le racheter à la 20e année, hein. Pas la 21e, ni la 19e, que la 20e année. Voilà, vous me le rachetez maintenant à ce prix-là. Et nous, on dit, voilà, on a signé le contrat, faites voir, ah ouais, on a signé, hop, on vous la rachète 4 fois le prix. Je vais vous expliquer comment ça marche, tout ça. En tout cas, ces 5% qui sont pris vont servir à ça. Ensuite, il y a 13% Artvalor qui va dans la création de l'œuvre. Alors, par exemple, un photographe, il imprime sur une plaque en plexiglas sa photo, ça lui coûte 300 euros. Ben nous, à chaque fois qu'il a vendu une œuvre, on a économisé 455 euros pour qu'il puisse recréer. Alors pour le peintre, on achète des châssis, des très belles huiles. Pour le photographe, on achète les meilleures impressions possibles. Pour la personne qui fait des sculptures un peu très très très art contemporain, on le met dans des petits coffrets en bois avec une belle vitre, etc. Il y a 455 euros qui sont là. Alors cet argent, quand c'est un photographe, on l'imprime nous-mêmes. Quand c'est un artiste, il nous dit, ouais, voilà, j'ai combien dans ma caisse pour créer des œuvres? Là, j'ai besoin d'un peu d'argent pour acheter 2 000, 4 000 euros de matériel. On lui dit, ben, t'as vendu assez. T'as vendu, par exemple, 10 œuvres, donc tu as 4 550 euros pour acheter des œuvres. Et bon, ben, on lui paye des œuvres. Et ça, c'est pas mal aussi parce que sous cette forme, fiscalement et en termes de comptabilité, c'est un vrai plus. C'est-à-dire que cet argent gagné est réinvesti. Comme ça, il n'est pas imposable. Bon, quoi d'autre? Après, il y a le pourcentage de hard valor, la société, c'est-à-dire moi, les gens du bureau, la location du bureau d'hard valor, tout le travail, là, la vidéo que je suis en train de fournir, l'enregistrement que je suis en train de fournir, tout ce temps passé. Bon, au bureau, pour l'instant, il y a François Corvol et moi. On est deux. Et peut-être Mathieu Tremblin, mais lui, c'est plus. On verra. Mais lui, il est très intéressant parce que justement, il n'est pas du tout dans les chiffres et il est dans la beauté humaine. Et lui, il est vraiment important parce que le slogan de Hard Valor, c'est Artist Rule, la loi des artistes, et Finance Cool, qui adoucit et rend plus gentil la finance. Voilà. Et donc, tout le long du processus, si par exemple tout mon montage financier n'est pas éthique, ou est scandaleux parce qu'on a oublié, on a arnaqué le commercial, on a arnaqué l'artiste, on a arnaqué le. S'il y a quelque chose qui ne va pas dans le processus, bah il le dit et on modifie. Mais par contre, on modifie en fonction de la faisabilité. Si on dit ouais, mais d'accord, si on paye 200% à l'artiste, ça veut dire que nous on gagne plus rien et on lui donne de l'argent. Vous voyez, faut que ça reste toujours un truc à la fois éthique mais réalisable. Faut qu'on fasse, il faut qu'on vende, il faut qu'on prenne le marché. On est 90% d'artistes à ne pas travailler. Mettons-nous ensemble. Il y a beaucoup de commerciaux qui travaillent plus du tout. Travaillons avec eux. Moi, je suis l'intermédiaire absolu pour le faire. J'ai toutes les compétences puisque je suis dans les deux univers. Et donc, bon, bah, je sais même plus pourquoi je vous dis ça. Mais en tout cas. Voilà, hard valor à 0,5%, ça veut dire que moi, par toile vendue, je gagne 17 euros, là où l'artiste gagne 1155 euros. C'est raisonnable quand même. Et sur toute une collection d'un artiste, je gagne 10 000 euros. Ça veut dire, grosso modo, pour une seule personne avec un artiste, on a un mois de salaire. Et ce qu'on va faire, évidemment, c'est que une fois que ça marchera bien, on va pas se dire, oh, on n'est que deux, on n'est que trois et on gagne 150 milliards d'euros. Non, évidemment, l'argent, on le placera pour faire en sorte que cette société, quand nous, on meurt, elle soit reprise par des gens bien, des humains qui se lèvent le matin et qui travaillent dans une société sympa, avec des artistes sympas, des commerciaux sympas, Ah, je suis en train de travailler, par contre, mon ange. Je travaille. Désolé. T'es très belle, en tout cas. Désolé, mais j'enregistre. Voilà. Donc, 0,5% pour Hard Valor, c'est très raisonnable. Ça fait un total assez conséquent de 20%. Alors vous allez dire, putain, il m'a pris 20%. Mais en vrai, sur les 20%, il y a 13% qui vont pour la création de votre œuvre. 5%, vous pouvez louer à vie des galeries d'art. Ça paye le champagne, les flyers, etc. Tout ça, c'est votre argent. Mais juste, je l'intègre à Diam Valor. Pourquoi? Ça, déjà, les artistes vont être extrêmement payés. Ça sert à rien de faire en sorte qu'il n'y ait plus de stratégie collective. Vous voyez, moi, mon but, c'est vraiment de me dire, ben voilà, les 10 artistes, ils ont mis une caisse commune, ben ils ont pu créer une œuvre monumentale à 40 000 euros, parce qu'on a gardé l'argent pour eux. Et là, c'est à eux de le négocier. Ils me disent, une œuvre à 40 000 euros, ça fait partie du budget promotionnel de l'œuvre, et ça fait partie du prix d'achat. Ben, je dis, ouais. Là, j'ai pas de veto à dire. Mais par contre, je vois comment ils font, je l'intègre à Hard Valor, et si ça marche, je demande aux autres artistes de le faire. Et d'ailleurs, les artistes, il faut que vous travailliez ensemble. Faut pas qu'on soit, faut pas qu'on soit des sauvages. Vous voyez? C'est vraiment le but. Arrêtez de s'ensauvager, là. On a la spécificité artistique de pouvoir pleurer beaucoup plus, de pouvoir nous attendre. Vous savez, un homme d'affaires milliardaire, il s'attendrit devant un SDF. Vraiment, il s'attendrit. Par contre, parce que son métier est ainsi, il n'a pas trop le temps de lui parler. Il peut lui donner 50 euros comme ça de temps en temps, mais il n'a pas le temps de lui parler. Par contre, un artiste, il a quasiment le devoir de lui parler, de comprendre le millionnaire et le clochard. On est plus humain, merde. Soyons plus humains, ok? Et du coup, Hard Valor, c'est vraiment basé là-dessus. D'ailleurs, j'insiste, mais les 0,5% de Hard Valor que je prends, au début, ils étaient plus élevés. Mais j'ai fait en sorte de réinjecter pour les artistes, surtout pour la création de l'œuvre, pour l'achat du matériel, vous voyez. Mais globalement, Je me paye extrêmement peu. J'ai pensé à ma commission une fois que tout était réglé pour les autres. Et je me suis dit, ah oh, putain, il me reste que 0,5%. Bon bah c'est comme ça. Et quand je dis il me reste, c'est pas moi. Hein. C'est la société Hardvalor qui est une structure, qui doit avoir un chiffre d'affaires, qui doit avoir un compte en banque, qui doit avoir de beaux locaux, qui doit pouvoir payer les salaires tous les mois, etc. Et je vais vous dire même, le but, c'est d'engager un maximum de personnes. Moi, vous me dites une personne étrangère, qui vient des dom-toms, extrêmement sympathique, qui a 8 enfants, qui se lève à 8 heures du matin parce qu'elle doit faire 4 heures de RER pour aller travailler, 4 heures elle revient à 23 heures elle est fatiguée. Bah moi, cette femme, au lieu qu'elle travaille pour telle société, je préfère qu'elle travaille pour moi en étant bien payée, cool. Bah voilà, c'est ça aussi, être artiste. C'est pas que dire l'argent c'est de la merde. Non, c'est à vous réussir dans une logique artistico-financière à dégager des fonds et à réutiliser ces fonds avec la sensibilité artistique. Vous voyez? C'est important quand même. Bon, ensuite, on a vu Hardvalor, on voit Diamvalor. Hélas, je crois qu'il n'y a pas le tableau complet, donc je vais continuer donc avec l'autre tableau. À tout de suite, bisous. Alors.